entendrait. Ce n'est pas la voix d'une personne qui cache quelque chose. Non, j'ai décidé d'avoir du courage et j'en ai. J'ai ce que je mérite. J'ai voulu être folle et avoir un bonheur fou. Chérie, écoute. Allô, chérie, laisse. Allô. Laisse-moi parler, ne t'accuse pas, tout est ma faute, si, si. Souviens-toi du dimanche de Versailles et du pneumatique. Ah, alors, c'est moi qui ai voulu venir. Qui t'ai fermé la bouche. C'est moi qui t'ai dit que tout m'était égal. Oh non, non, là tu es injuste. J'ai téléphoné la première, un mardi, j'en suis sûre, un mardi 27. Tu penses bien que je connais ces dates par cœur. Ta mère, pourquoi? Ce n'est vraiment pas la peine. Je ne sais pas encore. Oui. Je ne savais pas que c'était si rapide. Alors, attends. C'est très simple. Demain matin, le sac sera chez le concierge. Joseph n'aura qu'à passer le prendre. Oh, tu sais, il est possible que je reste. Il est possible que j'aille passer quelques jours à la campagne. Je suis morte. Oui, mon chéri. Mais oui, mon chéri. Allô? Et comme ça? Parle très fort. Et là, tu m'entends? Je dis, et là, tu m'entends? C'est drôle, parce que moi, je t'entends comme si tu étais dans la chambre. Allô? Allô? Allons bon, maintenant, c'est moi qui ne t'entends plus. Si, mais très loin, très loin. Toi, tu m'entends? C'est chacun son tour. Non, très bien. J'entends même mieux que tout à l'heure. Mais ton appareil résonne. On dirait que ce n'est pas ton appareil. Je désire la place des oreilles. prie, surtout ne me regarde pas. Peur. Non, je n'aurai pas peur. L'habitude de dormir seule. Oui, oui, oui, je te promets, tu es gentil. Hier, je me suis trouvée nez à nez avec une vieille dame. Non, non, une vieille dame avec des cheveux blancs et une foule de petites rides. Tu es bien bon, mais mon chéri, une figure admirable, c'est pire que tout. C'est pour les artistes. Oui, mais mieux quand tu disais, regardez-moi cette vilaine petite gueule. Oui, cher monsieur, je plaisantais. Tu es bête. Heureusement que tu es maladroit et que tu m'aimes. Si tu ne m'aimais pas et si tu étais adroit, le téléphone deviendrait une arme effrayante. Une arme qui ne laisse pas de traces, qui ne fait pas de bruit. Moi, méchante! Allô? Allô, chérie? Où es-tu? Allô? Allô, mademoiselle? Allô? Mademoiselle en coupe? Allô, c'est toi? Mais non, mademoiselle, on m'a coupé. Je ne sais pas. C'est-à-dire, si, attendez, Auteuil 04,7. Allô? Pas libre? Allô, mademoiselle, il me redemande. Bien. Allô? Auteuil 04,7? Allô? C'est vous, Joseph? C'est madame. On nous avait coupé avec monsieur. Paula! Oui, oui! Il ne rentre pas ce soir. C'est vrai. Je suis stupide. Monsieur me téléphonait. Un restaurant, on a coupé et je redemande son numéro. Excusez-moi, Joseph. Merci. Merci. Bonsoir, Joseph. C'est toi.

sentais plus mon cœur battre. Et la mort était longue à venir. Et comme j'avais une angoisse épouvantable, au bout d'une heure, j'ai téléphoné à Marthe. Je n'avais pas le courage de mourir seule. Avec le docteur qui habite son immeuble. J'avais plus de 40. Le docteur a fait une ordonnance et Marthe est restée jusqu'à ce soir. Je l'ai supplié de partir parce que tu m'avais dit que tu téléphonerais et j'avais peur qu'on m'empêche de te parler.